moto ya kweisi mbongo aluba wa mwisi ka kweisi ta memo lokoti maeba kesika nini lokotaki awa singa na lokoti bolingo ya rima mbo bila Chesko bila souvenir Marco Masuka, mais c'est propre. Les campos cabriolets de Rotterdam. Angèle Seke, José Malonda. Grévis Ngoma, fondé du pouvoir. Tabako yambela mopaya soki bati yango singa teo. Ye baba lingi mopaya alia pono ya pamba erigo. Papa Naron, Rigo Mbobila, Mbali Boke paya molonga ni bape siyo ebonga ya mokuse Ye baba lingi omirate mosusu asana nzela Rigo Mbobila Alain Rodal, na Canada Bafungoli imbwa o ya ina solo na yo Luka nzela na mosusu kuna siyo koma zero Didier Masaya, Vatican Adolungu, André Kazai Libenga na yonde vandi saki yo kuna lontan Koko na nangoya lilwe sako benga nisa yo Medo Shauma, Kleboa toujours So kina feti mulonga ni akomi ko tambola tambola Chantie seko luta bande kweza ankatre mae Chirigo la papa Suraya Kelly Willy Tembela unité centrale. Tembela tesa makambo eyaka. Soto pambe dila ikulu moli moteo. Mundo mona kie bibi esheke. Kwa swali kwa mabeteo. Grave Mwidi. Serge Sayal. Wivini Matsuda. Sacré Sola. Tembela tesa makambo eyaka. Je m'en fous. Soto pambe dila ikulu moli moteo. Elvis et Sugar. Il a fait des beaucoup et qu'on a son corps. Pendant que qu'on cante la tankaleo. Bozo bozo salale la. Dernier c'est la goma et mi soirée goteo. Igue Capella. Boboul c'est ça. Florent Pambani. Bajou Simba TTC. Mon gars, qui m'a la kélation, mais signe la pangue, mon collègue, ça veut dire qu'on m'a nini. Aimez ma montre. Ika maman, toi, bon, mais la PC, mon toi, et va kateo. Pesa et bien, mon papa, pesa troé. On va le mumba, chama souna. Hervé Mwanza. Yo moko komi la boni Na yo wala sana yo Jomo damo Yo moko lo ni mabanga Na bilanga rigo ke kosala nini Didier Salongo Crescence Masengo Fatima Folo Linda Kashama Baka nginga na boloko mama Na sima nangai okoti simo bali ye Ozo mama koko mama Betty Mula Mamba Sele ko pomela yo molayi Akole ko tolma yo kiloe Clarisse Elizarazu Ogozo mama boko mama Ogozo mama boko Sele ko pomela yo molayi Akole ko tolma yo kiloe Charlene Michigan, Viviane Young, Laurette Poto, Nanou Mosese. Mbesu na pela na moto, ma wapono bino, aseta mika uwe. Ogozo mama boko mama, Metiola, Ebe Andres. Teleko komela yo mounayi, akole koko mayo kiloe. Feza RDC. Ogozo mama boko mama. Ogozo mama boko, walala walala walala walala Tile koko mela yo mounayi Akole koko mayo kiloe Edon Tsonsa Ogozo mama boko mama lisoso Kito e bolo Top melody Kozarigo mabete o Mobila rigo soanya karela siye Moye bilo bite nanya kosali sayo Action Sakoto Double one, maître de ma paix Wogo songa maboko mpambaye Wogo ntoya Wogo songa maboko wololo wololo wololo Mama Weaver LMG Sele de fomela yo la yi Makole koko mayo kilo e Edomu samba Oriso masamba Oh lele oh Odette Matoko Mamo de Panama Mili tembela e Oh lele oh Losi Asasa Jean-Jacques Moutoile Salomo Escadela Oh lele oh Banduku Bapeti Mina Bapenda Sana Claude Monia Coccinelle Olela tesa makambo eyaka Zoto pambe dila ibulu ngoli moteo Undo ponaki ebibi esheke Wazari goma beteo Mikens bayaka Erites Kram Jezi Abilamba Fils Edoum Depite de la Sape Batumo Senjo, plein d'avenir, Anna Bellucci, Chokelo Mboto Bokulaka, Kilumboji, Kilumba Yametiole.